Chapitre 32e. Partir, soit, mais où aller? Paris était toujours au pouvoir de la Commune et subissait un second siège. À ne pas rester à Aix, Julien et Mélanie ne pouvaient se rendre qu'à Paris. C'est là que le mariage serait célébré le plus vite et sans difficulté, leur domicile étant établi par des baux parfaitement en règle. L'effet qu'ils avaient voulu produire était complet. L'adoption momentanée de Madame de Villeberg procurait à Mélanie une entière réhabilitation. Ils pouvaient donc s'éloigner. Lorsque viendraient les lettres de part du mariage, tout le monde les recevrait sans faire de commentaires fâcheux. Mais la pensée de s'en aller au hasard, en Suisse ou en Italie, effrayait Mélanie et rendait Julien soucieux. Il ne se sentait plus ni l'un ni l'autre assez de courage. S'ils se retrouvaient libres, pour résister à la passion dont leur séparation toute récente avait développé toute l'ardeur. La contrainte dans laquelle ils vivaient était une salutaire barrière. Résolus l'un et l'autre à ne pas faillir, à se présenter le front haut et la conscience sans reproche devant l'officier de l'état civil et devant le prêtre, ils redoutaient un irrésistible entraînement. Mélanie avait reçu la lettre des mains de bon enfant. Elle avait été affectée sans doute par les tristes détails concernant sa mère. Cependant, elle y était préparée. Les réticences mêmes de ses amis lui avaient ouvert les yeux. Ce qui la frappa le plus, ce fut le désir exprimé par son frère de la savoir loin d'Aix. Elle eût voulu lui donner satisfaction et elle craignait que Julien ne l'engageât à partir. Mais elle était brave, elle affronta le danger. À la première visite de Julien, s'étant trouvée en tête-à-tête, elle lui tendit la lettre. Il la lut attentivement. Mélanie observait sa physionomie et suivait dans ses mouvements, dans les plissements de ses sourcils, dans le jeu de ses lèvres, toutes ses émotions. Julien aussi était combattu entre le désir et la crainte. Ce double sentiment fut manifeste lorsqu'ayant fini de lire, il dirigea vers Mélanie deux yeux brillants de passion contenue. La jeune fille ne put soutenir ce regard. Elle ferma les yeux et murmura « Mon Julien, pitié pour moi aussi. » Julien plia les genoux et couvrit de baisers les mains de sa fiancée. « Tu as raison, dit-il, je t'aime trop. Restons comme nous sommes. » Mélanie inclina la tête sur l'épaule de Julien et dans un souffle à peine perceptible, il dit « Je t'aime. » Elle reçut et rendit un long baiser, puis, réagissant contre son abandonnement, elle se dégagea et s'enfuit dans un petit salon où Madame de Villeberg et ses filles travaillaient. À partir de ce jour, Mélanie évita les tête-à-tête. « J'ai peur de vous, j'ai peur de moi. » écrivait-elle à son fiancé en lui annonçant sa prudente résolution. Cependant, la requête de son frère lui tenait au cœur. Ce qu'il lui demandait était, à tout prendre, un petit sacrifice. Il lui fallut être une fille dénaturée pour ne pas chercher à alléger les souffrances d'une mère malade. Mademoiselle de Ricardy lui offrit la combinaison souhaitée. La comtesse était revenue chez Madame de Villeberg, ainsi que Marie l'avait promis à Georgette. Mélanie avait eu pour Mademoiselle de Ricardy des attentions et des prévenances qui n'étaient pas tout à fait désintéressées. Elle voulait la confesser. Pour cela, il était nécessaire de la tirer hors du cercle des visiteuses. Le piano servit de confessionnal. Marie prenait des leçons de chant. Elle avait une jolie voix, non encore assouplie. Mélanie lui proposa de la faire s'exercer, promettant quelques conseils. Les deux jeunes filles allèrent au piano. Tout en feuilletant les cahiers de musique et les partitions d'opéra, Mélanie, par ses demi-confidences, par des insinuations, sans paraître attachée d'importance à son papotage, obtint de la naïve enfant des aveux à peu près complets. C'était bien, comme elle l'avait pressenti, à l'intention de M. de Villeberg que Mademoiselle de Ricardy avait obtenu à grand-peine que sa mère consentît à ses visites. À la fin de l'entretien, les deux jeunes filles étaient les meilleures amies et Mélanie avait appris le jour précis où Marie obligerait sa mère à revenir. Naturellement, M. de Villeberg, averti à son tour par Georgette, se trouvait au salon de sa mère pour la recevoir. Mélanie avait réalisé la promesse qu'elle s'était faite de servir de trait d'union entre deux cœurs qui se cherchaient. Des pourparlers n'avaient pas tardé à s'engager entre Madame de Ricardy et Madame de Villeberg. La comtesse adorait sa fille, et ses premières résistances vaincues, elle remercia Mélanie avec autant de sincérité et d'effusion que Marie elle-même. À quelque temps de là, ce fut Mademoiselle de Ricardy qui attira Mélanie au piano. C'était le lendemain ou le surlendemain de la réception de la lettre du jeune Ripper. « Je suis bien contrariée, » dit-elle. « Ma mère veut que nous allions à la campagne. L'été n'est pas encore venu, mais il y a de grands travaux à faire exécuter. Ma mère tient à les surveiller. Je devrais la suivre. » Fâcheux contretemps, en effet. « Mais vous, qui êtes si bonne, qui avez séduit tout le monde ici, si vous vouliez. Quoi donc ? Madame de Villeberg a une maison de campagne à une petite lieue de la nôtre et... Et vous voulez qu'elle y aille aussi, afin que Gaston s'y trouve au moins le dimanche ?» Mademoiselle de Ricardy rougit beaucoup, mais ne dit pas non. « J'essaierai d'être séduisante, » conclut Mélanie en riant. Elle avait vu tout de suite le parti qu'elle pourrait tirer de ce déplacement qui l'éloignait d'Aix, conformément au désir de son frère, et qui la rapprochait davantage de Julien, la campagne ayant des immunités que n'a pas la ville. Ce n'était pas une grande bataille à livrer. Mélanie la gagna lestement. La plus difficile à vaincre fut Marthe à cause de son fils, qu'il faudrait mettre en pleine pension. Mais Julien s'engagea à le conduire chaque dimanche à la campagne et à le ramener le soir au collège. Il fut convenu que l'on partirait au commencement du mois de mai. Julien tenait à savoir comment serait reçue par Madame Ripper la seconde notification des actes respectueux, ce qui pouvait modifier sa conduite. Bon enfant n'était pas sans inquiétude. Il savait, toujours par Suzon, Madame Ripper très abattue, ayant renoncé à exciter son fils, à donner, dans les rares moments de lucidité que lui laissait une somnolence persistante, à la lecture du code et d'ouvrages de droit. Le mois écoulé, le notaire se présenta de nouveau chez elle. « Oui, je sais, » dit-elle, « je refuse. Bonjour. » Et elle ferma les yeux jusqu'à ce que le notaire se fût retiré. Cette seconde visite ne fut suivie d'aucune crise. Julien n'avait pas de motif pour retenir Mélanie, d'autant moins qu'on lui donnait la liberté d'aller passer toutes ses journées à la campagne, permission dont il devait largement user. Il loua une voiture. Tous les matins, il partait avec bon enfant pour ne rentrer que le soir. Tantôt chez Madame de Ricardy, tantôt chez Madame de Villeberg, les trois familles vivaient dans une intimité charmante. Bon enfant, qui n'avait pas d'intérêt de cœur, était devenu l'intendant officieux de Madame de Ricardy. Il surveillait les travaux qu'il avait amenés à la campagne 2 mois plus tôt que d'habitude. Les dames, les demoiselles et Julien s'en allaient en promenade, quelquefois jusqu'à l'aqueduc de Roquefavour, cette merveille de hardiesse massive et de légèreté aérienne, bien supérieure à ce que les Romains ont laissé de plus célèbre en ce genre. Mélanie et Julien avaient reconquis leur force de volonté et pouvaient de nouveau s'abandonner dans le tête-à-tête. À l'air libre, ils n'avaient plus peur l'un de l'autre. Le souvenir de Ville-d'Avray était leur sauvegarde. Le dimanche surtout, la petite société, augmentée de Gaston de Villeberg, était très animée. Afin de n'être pas exposé à rencontrer des promeneurs curieux et peut-être indiscrets, on restait dans l'un des jardins. Si les oiseaux étaient effarouchés par les jeux bruyants, ils pouvaient être attirés aussi par de délicieuses idylles. Les cœurs battaient à l'unisson, sans qu'il y eût de regrets ni de soupirs. Marthe et Georgette étaient décidément inattaquables. Le bonheur qu'elles avaient sous les yeux ne les tentait pas. Le mois de mai passa ainsi, trop vite au gré des amoureux. C'est le mois fugitif entre tous. Il file, météore parfumé de 1200 heures. À peine a-t-on le temps de savourer ses délicieuses caresses, que le soleil l'a chassé de ses rayons implacables qui mûrissent, mais qui dessèchent aussi et qui brûlent. Si loin du monde et des préoccupations que l'on se tint, les hommes avaient mission de ne rien négliger. Bon enfant recevait toujours les rapports de Suzon. Il n'avait rien à en tirer. L'état de Madame Ripper ne se modifiait pas. La prostration avait remplacé l'exaltation. Les médecins craignaient que cette phase nouvelle n'aboutît à la paralysie. La situation politique était plus inquiétante. La commune se débattait furieusement. Son agonie était terrible. Ce fut avec les cruelles émotions de la douleur et de la honte que l'on apprit les désastres de ces derniers jours. L'assassinat des otages, l'incendie des monuments publics. Enfin, la grande nouvelle de la victoire de l'armée régulière fut saluée avec enthousiasme, un enthousiasme atténué toutefois par la pensée que le sang français avait coulé des deux côtés. Mais Paris était libre, le grand jour approchait où Julien et Mélanie pourraient jouir en paix de leur laborieuse conquête. Il n'y avait plus qu'une formalité à remplir, la troisième notification des actes respectueux. Pas plus que le mois précédent, le notaire n'eut à formuler sa demande. Madame Ripert le renvoya sans l'entendre, persistant dans son refus. Elle n'avait pas changé d'attitude ni de manière de vivre, si ce n'est qu'elle parlait de moins en moins et qu'elle refusait de voir personne. On pouvait croire qu'elle se concentrait en elle-même, méditant quelques décisives manifestations. C'était la croyance de Suzon. Elle la fit partager par Bonenfant et par Julien, qui avait attendu naturellement le rétablissement définitif de l'ordre dans Paris avant de se mettre en route. Suzon, passant près de la chambre où se trouvait Madame Ripert, entendit qu'elle parlait à haute voix, elle écouta. « C'est trop tôt, » disait-elle. « En admettant qu'il soit déjà à Paris, on ne peut pas s'occuper de mariage en ce moment. Les maisons sont désorganisées. Dans 8 jours, il faut 1 mois entre les derniers actes et le... Les publications seront affichées ici vers le 15 ou le 20. Je vais m'habituer à marcher, puis à sortir. Je veux voir, moi, moi seul. » La suite du monologue s'était perdue en sons inarticulés, en éclats de rire, en ricanements, compliqués de gestes désordonnés. Julien, mis au courant de la situation, hâta les préparatifs du départ. Il voulait en finir au plus vite et surtout dérouter Madame Ripert. Ce que furent les adieux, on le devine. Entre ceux qui s'éloignaient et ceux qui restaient, il eût été difficile de dire quels étaient les plus reconnaissants. Il y avait eu échange de services, ce que M. de Wilberg exprima ingénieusement par ces mots. « Je veux me marier le même jour que toi, mon cher Julien. »« Alors ne perds pas de temps, car ce sera bientôt, » répondit M. de Mulsey. Bonenfant et Julien montèrent en chemin de fer à Aix. Mélanie, accompagnée par Madame de Wilberg, son fils et ses filles, par Madame et Mademoiselle de Ricardy, les attendait à la station de Roquefavour où l'on s'était rendu à la campagne. Un dernier embrassement et le sifflet de la locomotive interrompit ses relations d'amitié. De cruelles diversions attendaient les voyageurs à leur arrivée à Paris. L'hôtel de ville en ruine, les Tuileries en partie détruites, le palais royal brûlé, la colonne Vendôme renversée, les rues désertes, les affaires nulles, des milliers de familles sans pain, des perquisitions organisées. Mélanie se réfugia à Ville-d'Avray. Les drapeaux de la Société internationale de secours aux blessés avaient continué à protéger la villa. Elle s'y établit avec Bonenfant, heureux et fier de son rôle de tuteur. Julien avait été moins heureux. Son appartement de la rue d'Aumale avait été fouillé et à moitié dévalisé. Mais décidé à ne pas le garder, il laissa à Joseph, son valet de chambre, le soin de sauver les débris de son mobilier. Ses visites faites au docteur Voitou et à Arnold Barthes, il s'assura tout d'abord que le mariage pouvait être célébré sans retard. La mairie du 9e arrondissement n'avait pas souffert, et les officiers de l'état civil en avaient repris possession. De ce côté, pas de difficulté. Ville-d'Avray était toujours occupée par les Allemands, mais l'administration française y opérait régulièrement. Là aussi, tout était pour le mieux. Restait à empêcher que Madame Ripert fût avertie du mariage. L'article 169 du Code civil prévoit le cas où les publications au domicile des ascendants peuvent ne pas avoir lieu. En temps ordinaire, Julien, qui avait des amis au ministère de l'Intérieur, n'eût pas été embarrassé, mais au lendemain de la Commune. Néanmoins, il résolut de tenter une démarche, espérant rencontrer peut-être dans les bureaux quelques anciennes connaissances. Grand fut son étonnement de retrouver tout le monde à son poste, chef et employé. Les gouvernements tombent, les révolutions passent, l'administration reste, semblable à l'homme d'Horace, impavidum ferient ruinae. L'autorisation demandée fut obtenue. Dès lors, rien ne devant y mettre obstacle, le mariage fut fixé à l'expiration du délai légal, 1 mois jour pour jour, après la 3e notification des actes respectueux. Malgré toute sa bonne volonté, M. de Wilberg ne fut pas prêt. Le mariage fut célébré très simplement à la mairie de la rue Drouot et à l'église Notre-Dame de Lorette. Le nouvel appartement de M. de Mulsey était meublé et disposé pour recevoir les nouveaux mariés, mais par un sentiment de reconnaissance superstitieux, il tient à faire le repas de noces à Ville-d'Avray, au restaurant de la Chaumière, où le père Cabassu s'occupait avec rage à effacer d'odieuses dévastations. Les nouveaux mariés ne voulurent pas rentrer à Paris. Le soir venu, ils revinrent à la villa des Trapèzes, berceau de leur amour. Bonenfant, le docteur et Arnold Barthes n'échangèrent pas une parole en retournant à Paris. On dit que les bonheurs longtemps convoités et attendus ne donnent pas ce qu'on s'en promettait. C'est possible, mais il y a certainement des exceptions, et Mélanie était une de ces exceptions. Quelques jours après son mariage, elle écrivit de longues lettres à toutes ses amies d'Aix. Ayant contenu sa joie et son enthousiasme avec Madame de Villeberg, Madame de Ricardy, Georgette et Marie, elle laissa chanter librement son cœur dans sa lettre à Marthe, la jeune veuve. Elle s'écriait, à la fin d'un véritable ébit à l'âme, « Que je vous plains, ma chère Marthe, de n'avoir pas été brûlée par les baisers de votre époux. »